I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut, bienvenue encore une fois à Subversion, édition du 27 mai 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Je suis Sylvain Latour, DJ Tower of Death. Pour encore de la musique subversive, de la musique heavy, obscure, comme vous le voulez. On aura quelques nouveautés durant ce programme, entre autres, ou plus ou moins nouveautés, de Pentagram Chile, de Cauchemar, de Prisoner of War et aussi de Avatar. Et on soulignera évidemment au passage le départ de Nick Manza, le regretté batteur, en fait, qui s'est illustré avec Megadeth, comme vous le savez. Il nous a quittés à l'âge de 51 ans samedi dernier, suite à un incident, une attaque cardiaque, et en pleine performance, en fait, avec son groupe à Los Angeles, ou en Californie. Et puis, on va y revenir plus en détail après, durant la prochaine intervention, évidemment. Et d'ici là, on va entendre évidemment Megadeth, on va entendre aussi Gojira, mais d'abord Slayer avec une performance live en 2005 au Rockhammering en Allemagne. Performance, avec ce classique. Et évidemment avec le regretté Jeff Hanneman qui nous avait quitté lui aussi durant le mois de mai. Et en 2013, beaucoup de personnages clés du monde du métal qui nous ont quittés durant le mois de mai. Hein. On pense à Ronnie James Dio, à Peter Steele de Typo Negative, ainsi que Jeff et Nick. Et aussi, on pense à Steve Urdle aussi qui était parti pendant les mêmes dates aussi il y a 4 ans. Alors, on y va tout de suite hein, avec ce classique de Slayer, Chemical Warfare Live, à Subversion sur Underground Québec Radio. This is Chemical Warfare! Crashing my jet jam. Yeah. It just me, I'll survive. For the movie, in the air. The gents. Yeah! memories of Nick, fun stories. And contrary to popular belief, Nick and I were very, very close. I think when you're that close with somebody, the temperatures run a lot hotter than in most relationships, so the love is that much more deeper, and the anger is so much more hot, and the sadness is so much more profound. So I think that's when you know that you're really in a relationship with somebody that matters to you. Nick was a very talented musician, and he came from a talented family. His dad played the saxophone on the Pink Panther song. Is that right? Yeah. I did not know that. The original saxophone player for Henry Mancini in the Pink Panther. Oh, that's wild. And so Nick and I were really, really close. And people think that, you know, we had this failed reunion attempt. There were several times that we tried to reconcile stuff, and it just didn't happen for whatever reason. I don't know why, but it didn't. And I think now it's the time for everyone to remember Nick and his legacy of just great performances. And on vient d'entendre la voix de Dave Mustaine durant une entrevue qu'il avait accordée lors de leur présence. Dans un festival du nom de Rock and Derby Sunday Night. C'était à Shanticock Fairgrounds, dans l'État de New York, où il mentionne justement qu'il était temps de se remémorer les grandes performances de Nick Manza, qui nous a quittés à l'âge de 51 ans, un natif de Munich en Allemagne. Et puis, il faisait mention aussi au passage que son père était celui qui jouait le sax dans La Panthère Rose de Henry Mancini. Alors, évidemment, Manza était le fils de Don Manza, saxophoniste de renom qui a joué avec Buddy Rich, le batteur extraordinaire. Nick, Nicholas Manza, son vrai nom, évidemment, a participé à quatre des albums de Megadeth, soit Rust in Peace, Countdown to Extinction, Euthanasia et Cryptic Writings. Il a commencé avec Megadeth en tant que drum tech, et il prenait la place de Chuck Baylor à ce moment-là, quand il a quitté le groupe en 89. Et selon le chroniqueur Daniel Krebs de Rolling Stone, Manza était reconnu pour sa présence particulière sur la scène et de la façon dont il appréhendait, qu'il attaquait littéralement son kit à double bass drum. Il a été un régulier plus récemment du Baked Potato Club avec son band OHM, qui a été fondé en 2002 par un autre vétéran de Megadeth, le guitariste Chris Poland. Et c'est avec ce groupe avec lequel il performait samedi dernier, alors qu'il a succombé à cette attaque cardiaque, malheureusement. Et dans une entrevue que j'ai écoutée, en grande partie, la toute dernière qu'il a accordée, c'était à une émission de radio du nom de The Wave Northwest sur Digital Revolution Radio, le 8 mai dernier. Et il faisait mention qu'à l'époque de Megadeth, il s'est acheté une maison à ce moment-là, durant le pic du band, et il a pratiquement pas vécu dans cette maison pendant près de 5 ans, puisque il tournait quelque chose comme 300 concerts par année, tournait constamment, alors il revenait à la maison seulement pour le temps des fêtes et le Thanksgiving, alors c'était une époque assez chargée. Et puis, j'ai remarqué que Nick avait réagi vivement lorsque les animateurs ont parlé de Metal Church au passage, particulièrement du premier album, et on a pu entendre Nick chanter la mélodie de Beyond the Black en citant Battalions comme étant sa pièce préférée, en vocalisant le double beat du drum. Il a aussi sorti un album solo du nom de Life After Death, DETH, en 2002. Et au moment de son décès samedi, il était censé rencontrer son biographe du nom de Craig, avec lequel il était en train d'achever un livre, en fait, du nom de Man's Life, qu'il a écrit à propos de sa propre vie, et principalement sur une version comic book de ce livre qui doit paraître en juillet, semble-t-il. Alors ça, c'est à surveiller. Alors, rest in peace, Nick Manza. Il est 6h54 sur Underground Québec Radio. Vous écoutez toujours Subversion, le Metal Show. Et on en va enchaîner avec un prochain bloc musical, avec quelque chose d'un peu plus obscur. On va avoir entre autres Pentagram Chile. Le Pentagram de Santiago. On aura aussi Hellhammer, une vieille pièce d'un démo qui est apparu en décembre 1983. Mais d'abord, Cauchemar, cette formation montréalaise qui sort un nouvel album, le 5 juin prochain sur Nuclear War Now. L'album s'intitule Chapelle Ardente. Alors, on écoute tout de suite ce nouvel extrait, Étoile d'argent. Vous écoutez Cauchemar, c'est la Subversion sur Underground Québec Radio. Yeah.

On vient d'entendre la formation Pentagram Chile, en fait le Pentagram de Santiago au Chili. La pièce était en Ritual Human Sacrifice. C'est un single, en fait, sorti sur un split album avec un band du nom de... Je vois-tu réussir à le prononcer du premier coup? Onas Preschlichen Colton. Je connais pas du tout. Ça s'est sorti, ce split, en octobre 2015 et on parle Pentagram Chili d'une... En fait, qui se sont appelés comme ça pour éviter les confusions avec le fameux Pentagram avec Bobby Leipzig. Formation quand même formée en 1985. Il y a eu de nombreux démos, enregistrements, compilations, tout ça, mais le seul album studio complet est sorti en 2013. C'est le très bon de Maléfice. Oui, seul album sorti en 2013. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver après cet enregistrement-là. Mais c'est quand même bien. Ça avait été suggéré par notre ami Fenris sur sa fameuse radio, Radio Fenris sur SoundCloud. Tout comme Prisoner of War, qu'on va entendre dans le prochain bloc d'ailleurs. Avant Pentagram, on avait eu... qu'est-ce qu'on a eu? Elle Hammer, évidemment, oui, avec Maniac, pièce qui est apparue sur le démo Satanic Rites de 1983, paru en décembre de cette année-là, en fait. Ça avait été édité à 200 cassettes, édition limitée à l'origine, puis l'entour de l'an 2000, ils ont ressorti ça en CD sous forme d'une espèce d'album. Ça avait été enregistré au Sound Concept Studio dans le nord-est de la Suisse entre le 2 et le 4 décembre 1983. Et au début du bloc, on avait eu Cauchemar avec Étoile d'argent, extrait de ce nouvel album à sortir sur Nuclear War Now, à surveiller. Le titre de l'album de 9 pièces est en Chapelle Ardente. 17h11 sur Underground Québec Radio, toujours à l'émission Subversion avec DJ Tower of Death. Et prochain bloc, bon, on va accélérer le tempo d'ici la fin de l'émission. Hein. On va entendre les deux prochaines pièces, on va entendre Prisoner of War. C'est un groupe de la Nouvelle-Zélande. Avec une pièce issue d'un nouveau EP qui s'intitule Rot, suggéré par Fenris. Et puis on va entendre la pièce Evil Sky. Et juste avant, un vieux classique du death metal des Pays-Bas. Un de mes albums favoris de tous les temps dans le death metal, et sans aucun doute, de cet album Consuming Impulse. On va entendre Chronic Infection. Et au passage, je vais saluer deux de nos auditeurs fidèles qui nous écoutent à tous les vendredis soirs religieusement. Yannick Provost et Dan Leblanc, je vais vous envoyer ça personnellement. Pestilence, après cette publicité. Grâce à Fisher-Price, vos petits pompiers peuvent diriger leur caserne de pompiers Play Family. Vite, les pompiers se précipitent sur les lieux pour venir à la rescousse. Comme ils sont braves. Il faut qu'ils sautent. De retour à la caserne, tous sont sains et saufs et fiers de leurs exploits. La caserne de pompiers de Fisher-Price. Destiny. Fire on top, the devil is boss. The girl says no name. Saluer mon chum Dominique Nau qui nous écoute probablement dans son auto en train de faire de la livraison à grand-mère. Prends des patates frites et de la poutine et de la pizza. Et si on dit jour et l'autre que c'est fou qu'il y a rien à faire à ce gars? on entend à l'instant la formation Prisoner of War de Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui ont sorti un EP le 18 avril dernier, du nom de Rot. La pièce était Evil Sky. Ça a été suggéré par notre ami Fenris sur sa propre radio, sur sa propre émission de radio mensuelle sur SoundCloud. Un type qui reçoit quand même, qui reçoit des promos par centaines et pour ne pas dire par milliers. Alors, il en voit passer en beaucoup de stock. Alors, Prisoner of War, ça a été inspiré justement de sa propre suggestion. Alors, c'est quand même très bien. On verra ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Oui, avant ça, on avait eu Pestilence avec Chronic Infection de l'album Consuming Impulse de 1989, qui était leur deuxième à ce moment-là, enregistré au Music Lab Studios à Berlin avec le fameux Harris Jones. Alors, oui, c'est une pièce que j'avais dédiée à Yannick et Dan qui nous écoutent à chaque semaine religieusement. Alors, merci encore une fois d'être toujours au rendez-vous. On a encore le temps pour deux pièces. On aura une demande spéciale pour ce groupe suédois du nom de Avatar, et ne pas confondre avec 16 autres groupes Avatar sur Metal Archives, et non plus avec Savatage, hein, donc qui portait ce nom-là alors qu'ils dans leur tout début sur la scène de Tampa Bay. Oui, Avatar de Gothenburg qui sonne pas Gothenburg du tout, mais comment je pourrais dire, c'est un groupe un peu mystérieux qui est difficile à étiqueter et qui d'une pièce à l'autre sur un même album peut s'en aller dans plusieurs directions différentes. C'est un moment spécial pour Annie. On va entendre une pièce de ce nouvel album Feathers and Flesh, et avant ça, d'abord, voici Misery Index avec une pièce de un des meilleurs albums de 2014, sans doute, de Killing Gods. On écoute à l'instant Heretics à Subversion.

On vient d'entendre ce groupe de Gothenburg en Suède, Avatar, avec One More Hill, une des bonnes pièces de cet album Feathers and Flesh de 2016, en fait paru le 13 mai dernier, c'est leur sixième album. Un groupe qui fait apparemment un tabac en Europe, méconnu par ici, qui un peu une formation un peu mystérieuse du fait qu'ils peuvent chevaucher, en fait d'une pièce à l'autre, peuvent prendre différentes tangentes, du power metal au melodic death metal, au new metal, au groove metal, au gothic metal, et nommez-les. Bref, ça pourrait être un concert à voir. Ils font un petit peu dans le freak show sur les bars aussi. Bref, c'est un demande spéciale pour Annie, qui attendait ça depuis quand même quelques temps. Alors, c'était ça, Avatar, One More Hill, qu'on a entendu. Et avant ça, on avait eu Misery Index avec Heretics de l'album Killing Gods, The Killing Gods de 2014. Misery Index qui nous visiteront à Montréal dans la première semaine d'août, dans la thématique qui précède la vie Montréal, évidemment. Organisé par le Grimposium, dans une soirée qui s'intitulera le Doom to Death. Et évidemment, sur la scène des catacombes, nous aurons en plus de Misery Index, Vastum, les Américains, ainsi que Vengeful et Cardinal Worm aussi, des États-Unis. Oui, c'est ça, c'est tout pour cette semaine. Hein? Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis, surveillez les émissions Rock Classique, Réanimation, Assez Fou, rockclassique.net, réanimationad.com, surtout les émissions antérieures pour ce qui concerne Réanimation durant la période estivale, puisque le Dr Pendragon prend congé de l'émission Réanimation, mais sera toujours à Rock Classique pendant ce temps-là, alors surveillez ces très très bonnes émissions, ainsi que les chroniques de notre ami Sinistros, alias Guillaume Gagnon, sur hurlement.com pour être à l'affût des nouveautés pour les critiques d'albums et autres. Et aussi la balade ou diffusion, suggérez ça à vos amis pour Subversion SoundCloud, Subversion Metal, la page Facebook, Subversion Le Metal Show. Et la semaine prochaine, j'ai aucune idée de ce qui va se produire. On va se réserver la surprise. Alors, spread the word pour Subversion. À la prochaine. See ya.